Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. Présentation du UFC 236. Demain, c'est Max Holloway, un des meilleurs combattants livre pour livre, certainement de la planète, qui va affronter Dustin Poirier. C'est présenté demain sur les ondes de ESPN et c'est présenté à Atlanta. On en parle avec notre ami Claude Perron. Salut Claude. Salut Danny. Claude, Max Holloway, je me trompe pas en disant que c'est un des meilleurs combattants livre pour livre de la planète, là. Ah oui, ouais, c'est présentement, il est sur toute une lancée. Justement, une lancée, il avait pas perdu, si je me rappelle bien, depuis qu'il s'était fait battre par justement Dustin Poirier. Mais à ce moment-là, il avait 20 ans. Il commençait dans l'UFC. Je pense que c'était son deuxième combat dans l'UFC. Puis, il avait tout juste 20 ans, le petit gars. Poirier était quand même plus vieux, il a 6 ans de plus. Lui, il était plus mature, puis ça paraissait. Puis, les deux ont évolué beaucoup depuis ce temps-là. Ils ont chacun subi une défaite, comme je te disais, Holloway a subi une défaite. Puis après ça, Poirier, bien, on sait qu'il en a subi quelques-unes. Mais la dernière qu'il avait subie, c'était contre McGregor. Mais depuis ce temps-là, il a continué de monter, il a continué de s'améliorer. Fait que ça va être un bon combat, probablement surtout debout. Mais Max Holloway, d'après moi, il a trop un bon cardio. Il va donner il donne beaucoup, beaucoup de coups. Puis je pense qu'il va avoir. Il devrait gagner à l'usure. Ça va être un bon combat. Actuellement, c'est-tu John Jones qui revient vraiment? Khabib, c'est qui le meilleur combattant livre pour livre que tu considères, là? Bon, présentement, t'es pas mal nommé. Khabib est très bon. McGregor est pas mauvais, mais je le mettrais pas dans les meilleurs lourds. Pour livre. Okay. George était le meilleur, par exemple, plus actif probablement, mais là, il n'est plus là. Aldo? Non, Aldo, ça fait une coupe qu'il perd. Là, dernièrement, il a perdu quelques-unes, même s'il était encore. Okay. Si on parle. Mais je pense qu'il n'y a personne de dominant comme John Jones présentement. Voilà. Puis lui, s'il peut arrêter de se faire pogner avec les. C'est ça la clé. Là. On va y aller maintenant avec les autres combats. Il y a Kevin Castellum contre Israel Adesanya. Ouais, ça va être bon parce que Israel Adesanya, ça fait un bout de temps qu'on l'entend parler. C'est un gars qui est pas mauvais partout, mais surtout debout, très très bon debout. Mais là, il est 16-0. Il s'est battu contre Anderson Silva il y a pas longtemps, si vous vous rappelez. Il a gagné une décision. Mais tu sais, Anderson Silva, il est rendu à 50 ans. Là. C'est pas la même affaire. Ben, 50 ans, j'exagère, mais tu sais, c'est un bonhomme. Mais là, par exemple, il va pogner un très, très bon combattant. Tu sais, un top 3. Là. Même un top 3, oui. Top 3, top 5. Kevin Gastelum, là, c'est tout qu'un monstre. Il est très bon. Il s'est battu contre beaucoup de bons combattants. Israël, ben là, ça va être vraiment son plus gros test à vie. Comment ça va se passer? Mais c'est sûr que s'il passe au travers Kevin Gastelum, là, il va probablement s'aligner pour le championnat, quelque chose de même. Ça veut dire qu'il va être là pour vrai. T'sais, j'ai hâte de voir parce que là, ça va sûrement être son plus gros test en carrière. OK. Par la suite, y a-t-il des gros combats? Il y a Jourdain. Ben, c'est un Québécois, ça? C'est pas un Québécois, ça? Pas un Québécois, je veux dire, c'est pas un Français, Jourdain? Non. Jourdain, là, c'est pas un gars d'ici. Les autres, on les connaît. Bon, j'en connais pas, mais je veux dire, pour l'amateur moyen, là, ouais. Je te dirais que les autres combattants, ils sont pas très, très connus. Il y a Wilson Riss, peut-être qu'il est connu parce que c'était un gars qui a fait beaucoup de sol puis tout ça. Mais bon, sinon, là, je pourrais pas dire, il y a pas beaucoup de gars connus. Il y a un vide actuellement dans l'UFC, hein? Oh, un vide de vedette. Pas ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de gars là, ça c'est le fun pour un amateur comme moi, là, comme Vincent. Moi j'écoutais ça, c'est comme ceux qui écoutent le hockey, il y en écoute plusieurs games par semaine. Moi, il n'y a pas vraiment trop de gars là, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas de super vedette. Il y a McGregor, mais là, il s'est mis dans la main tranquillement pas vite, puis il n'y a pas d'allure, plus ça va moyen d'allure. Ouais. Fait que je sais pas. Tu sais, t'avais Ronda, t'avais Ronda Rousey, t'avais Edison Silva, quand j'ai commencé chez ça, tu avais GSP qui était là aussi. Mais ils ont John Jones qui est vendeur, qui est bon. Chez les lourds, ça va tout le temps. Aldo, t'as ses vendeurs aussi à un moment donné. Oui, c'est encore des noms qui vendent, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de il n'y a pas de. Ça a déjà été plus fort un peu au niveau des stars, là, si on veut, de des grandes vedettes, mais c'est cyclique, ça m'inquiète pas même. OK. Charles Jourdain, il y a un article dans le sur RDS.ca, c'est un combattant du TKO. On dit que c'est la vedette montante au Québec. Vois-tu beaucoup de potentiel dans ce gars-là? Oui, il est bon. Ouais. Il est très bon. C'est-tu peux dire que la meilleure québécoise depuis GSP? Je sais pas. Si on pourrait dire ça, c'est tout embêtant. Ici, la scène du MMA au Québec est bonne. On a des bons combattants qui fait venir des bons combattants. Mais quand t'arrives dans l'UFC, c'est la ligne nationale, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais oui, je veux pas mal parler, par exemple, de Marc-André Barriot, là, qui a aussi signé pour le UFC, je crois. Là. Ouais. Mais c'est sûr, Charles, il a plus de talent, si on veut. C'est un beau talent. Mais on va voir quand il va tomber dans une grosse ligne. Mais il va être prêt pour aller essayer, je suis inquiète. Il est assez sérieux pour ça. Puis, spectaculaire, c'est un gars spectaculaire? Parce que c'est souvent, c'est ça. Très, très spectaculaire. Okay, ouais, okay. Des fois même, il en met un peu trop, mais c'est correct, il est jeune. Là. Ouais. Il va peut-être s'habituer de s'énerver un peu, mais c'est le fun. Non? Il est le fun à regarder se battre, ça c'est sûr. OK. Bon, on s'en reparle bientôt, my friend. C'est bien beau. Notre ami Claude Perron.